Bonjour, cette semaine on est en Nouvelle-Zélande pour écouter des chansons en maori. Ici Michel Monette et c'est l'émission Les Oreilles ailleurs. C'était le chant du tui, un oiseau quand même assez répandu en Nouvelle-Zélande. Je vous ai mis cet enregistrement parce que je voulais vous faire prendre conscience de toute la richesse sonore qui a longtemps entouré les Maoris, mais aussi pour faire contraste avec la réalité actuelle de ce peuple. En fait, ils ne vivent pratiquement plus dans la nature, ils sont à peu près tous en ville maintenant. Ici, d'ailleurs, on est dans un musée d'art contemporain maori, Pataka Museum, et on est à 15 minutes du centre-ville de Wellington. C'est un bel endroit pour qui symbolise cette urbanité que vivent désormais les Maori. Ce sont des artistes actuels, donc, qu'on expose, et ce sont des chanteurs et chanteuses actuelles que je vais vous faire entendre tout au long de l'émission d'aujourd'hui. Hey. Titi Pakatae Arorua E Oki Maya Kwe Kiyote Pakatu Kite Pakatangi Kite Pohau Kita Uenei Irahoi Aue Titi Pakatae Arorua Hoki mai ra koe Titi pakatae arorua E hoki mai ra koe Ki o te patatu Ki te paha pakatangi e Ki te kouau au Kita ue neai, iraro I aue Titi pakatae arorua E hoki mai ra koe C'était Ariana Tikaro dans Titi Wakatai Aro Rua. Et on l'écoute dans une chanson plus récente, Tihei Mori Ora. Yo akatata Yo atamai Yo akatata Yo Mariora, Tihei, Mariora. Ariana Tsikao dans Tihae Mori Ora. Elle était accompagnée de ses deux complices, Rob Thorne, le multi-instrumentiste, et Al Fraser, qu'on entend à la flûte. C'est les trois forment un groupe, un trio qui s'appelle Ara. C'est un trio qui est né récemment. Ils viennent de sortir un EP. C'est une production autofinancée. Ils jouent avec des instruments traditionnels. Ils improvisent leur musique à partir de ces instruments. Al Fraser fabrique des instruments avec lesquels il joue. On va entendre de lui, d'ailleurs, une pièce qui est un chant traditionnel qui s'appelle Raki Ura. Ça fait partie de d'un album de chants traditionnels maori qu'on peut se procurer pour une bouchée de pain sur Bandcamp. C'est Al Fraser qui a produit cet album. Après avoir entendu Raki Ura, on va entendre Maise Rika dans Witsi Ura. Witsi Ura, c'est une chanson beaucoup plus moderne, mais inspirée de la tradition maori. C'est une chanson qui dit en résumé que quand les Maoris sont divisés, les problèmes augmentent. Love. common problems arise together, we'll overcome. I understand that it's easier to rise above whatever when the support is there for you. And yo, we here for you. Hope for the best, but for the worst, prepare for it. Use that thing inside your head and keep it clear for it. It's necessary to, in this day and age, if you want to shine tomorrow, gotta put in work today. Let's go. Ce sont des vaches néo-zélandaises. Eh bien, vous avez raison. Ce sont bel et bien des vaches qui produisent laitière. C'est une façon d'insister sur le fait que la Nouvelle-Zélande est un pays occidentalisé, très occidentalisé. Vous avez dit tantôt que les Maoris étaient surtout en milieu urbain. Pour des considérations politiques tout à fait normales de leur part, ils s'appuient, mais aussi pour des considérations d'identité, ils s'appuient sur leur tradition pour créer une musique qui n'est pas la musique du passé, mais qui s'en réclame parce que ils ont à cœur les traditions musicales. En fait, je devrais plutôt dire qu'ils ont à cœur de se situer dans la tradition maori, parce qu'ils ont à cœur à la fois de maintenir un héritage musical et de se situer dans la modernité, dans une modernité musicale qui leur est propre. Ce n'empêche pas les artistes maori de se situer dans des grands courants internationaux comme le rap, comme le reggae. On va pas entendre de rap ici, mais on va entendre du reggae par un groupe qui s'appelle Upper Hutt Posse. La chanson s'appelle Haramai Te Toki, tirée d'un album paru en 2010, l'album Toei. Si vous êtes intéressé, si vous aimez le rap, il y a une émission d'ailleurs en passant le dimanche soir, le dimanche à 17h30, qui s'appelle Dérapage. Non, à 19h, c'est précédé par Racine Musicale à 17h30. Racine Musicale, c'est une émission qui vous présente du reggae. La pièce qu'on va entendre pourrait tout à fait jouer dans cette émission. Voici Upper Hutt Posse. Kopahu, tene champion sound.

Kia bird. The seed from Moniati blow the trumpets to be heard. His prophecy will be handed down. More trumpets in the city makes your walls fall down. Glory to the heavens, battle of the owl and the cat. More dilemmas for Pacquiao and Tito, who auto reacts. No hesitation, just mass resistance. Pull out the survey pegs, plow up the land, pull down the fences. Can't stop the prophet in his quest for the people. Drop that thought when you talk, we're all equal. Manifest his own destiny, move with the gods. Fought against all odds, define the valley of the hunger of the beast. C'était Moana Mania Poto. On va maintenant entendre trois remixes de pièces qui faisaient partie d'un album sorti en 2010, un album produit par Dudley Benson. Dudley Benson, c'est un compositeur néo-zélandais qui se trouve aussi avoir fait des études maori. Il s'est inspiré de chansons composées par une grande figure maori, un peu comme Moana Mania Poto, mais une figure historique cette fois-ci. Jeremy Melbourne, il était non seulement compositeur, non seulement chanteur, mais il était aussi universitaire, poète, écrivain. Et il a beaucoup fait pour la renaissance de la langue maori, qui était en voie de disparition. Le maori est une langue, toujours une langue en difficulté, mais bon, il y a environ 15% de la population de la Nouvelle-Zélande qui se dit maori. Et elle est enseignée désormais dans les écoles néo-zélandaises. Ce qui est assez ironique, c'est que Irini Melbourne, c'est dans les musées qu'il a découvert les instruments de ses ancêtres et qu'il s'est mis à en jouer avec un ethnomusicien qui s'appelle Richard Nunes. Et donc Dudley Benson s'est inspiré de ses chansons pour créer un album en 2010 qui s'appelle Forest. Et en 2014, il y a sorti une version remixée de cet album. L'album de 2010 était uniquement a cappella, c'était uniquement des voix qu'on entendait. Mais là, ce sont à la fois des voix et des instruments à la façon remix. On va écouter trois pièces de l'album de 2014 qui s'appelle Deforestation, dans l'ordre inverse, Tirai Raka, précédé de Tui, comme le nom de l'oiseau qu'on a entendu au début de l'émission, et ce qu'on entend présentement, Pipi Manu E. Yeah. beauty queen, queen. D-I-I-P. Hey! Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se quitte avec les brûlés vagues sur une plage néo-zélandaise. Il y a l'émission Tout feu, tout flamme qui suit après la pause publicitaire. À la semaine prochaine.